ne rien dire au fond des bois. Les pieds nus foulant le sol, humide et gras, à respirer l'odeur des fleurs, les senteurs. Faire une balade sans pourquoi, seulement voir ce qui se voit. Toucher de la main ce qui se doit, du doigt, des bras, du corps, de la voix. À force d'oublier qui supporte toutes nos lubies, la nature reçoit nos déchets en contrepartie. On dégrade la terre, la mer, l'ensemble de nos vies. Tue-moi doucement. Faire une balade sans pourquoi, à tout goûter à contre-emploi. La rosée du matin, les feuilles d'automne, une poire, une pomme, des fruits en somme. À force d'oublier qui supporte toutes nos lubies, la nature reçoit nos déchets en contrepartie. On dégrade la terre, la mer, l'ensemble de nos vies. Tue-moi doucement, tue-moi doucement. Faire une balade sans pourquoi, se voir dans un ciel qui flamboie. Nager dans une mer verte, bleue, grise parfois. Un oiseau, un poisson, un homme, ses passions. La force d'oublier qui supporte toutes nos lubies. La nature reçoit nos déchets en contrepartie. On dégrade la terre, la mer, l'ensemble de nos vies. Tue-moi doucement. En contrepartie, on dégrade la terre, la mer, l'ensemble de nos vies. Tue-moi doucement, tue-moi doucement, tue-moi doucement, tue-moi doucement, je t'aide déjà.